Chapitre 26e. Le lendemain, poussé par un retour de sensibilité, René s'achemina cependant vers la rue de Rennes afin de savoir si Madame Sénéchal avait reçu des nouvelles d'Angèle. Mais arrivé devant la maison, il hésita, se demanda quelle figure il ferait là-haut, s'irritait d'avance à la pensée des coups de boutoir que lui porterait la vieille dame. Bref, il tourna brusquement les talons et s'en alla à son théâtre. Il reprit ainsi peu à peu toutes les habitudes qu'il avait abandonnées au commencement du printemps. Ce fut comme la marche lente et à peine sensible du flux sur la plage. La submersion de son amour arriva onde par onde, accompagnée d'un paresseux et doux bercement, jusqu'à ce que tout eût disparu sous une nappe profonde d'oubli. René en vint à questionner sa mère sur Mademoiselle Marthe, et Madame Desarmoises s'étendit complaisamment sur la beauté de la jeune fille, ainsi que sur l'influence du père. À l'entendre, M. de Boissimon était fort en faveur aux Tuileries depuis que le plébiscite de mai 1870 avait donné à l'Empire un regain de popularité. On parlait du père de Marthe comme d'un futur ministre des Beaux-Arts. Un homme de lettres, qui serait son gendre, n'aurait qu'à allonger la main pour cueillir des honneurs et des succès. Les théâtres ouvriraient leurs portes à deux battants pour recevoir ses pièces, et à l'époque actuelle, le théâtre seul établissait les grandes fortunes littéraires. À son tour, la jeune œuvresse, stylée par Madame Desarmoises, vint à la rescousse et engagea carrément René à demander la main de Mademoiselle de Boissimon. Celui-ci se défendit mollement. Il avait peu de goût pour le mariage et se trouvait trop jeune pour s'enchaîner. « Allons donc, mon cher, s'écria Gaspard. Le mariage est une chaîne élastique, et de nos jours on a toutes sortes de moyens ingénieux pour la courcir ou l'allonger ad libitum. Et puis, vous serez bien malade quand vous aurez pour femme une jolie créature affriolante, sans compter la haute influence de Boissimon, qui vous tirera tout de suite hors de pair. Mariez-vous, de par Dieu. » Le mariage ne m'effrayerait pas trop encore, objecta le poète, mais je garde au fond du cœur certains scrupules relativement à cette pauvre Angèle. Si réellement elle devenait mère, je serais tenu d'honneur à adopter son enfant, qui serait le mien. Et voyez quelle position fausse cela me créerait vis-à-vis d'elle et ma nouvelle famille. « Vous êtes pas trop novice, » répliqua la jeune œuvraie. « Croyez-vous que s'il avait eu sérieusement quelque anguille sous roche, Angèle eût si tôt et si facilement délogé? Cette prétendue grossesse n'était qu'un jeu de scène. Vous ne connaissez pas les comédiennes, mon cher. Sur les planches, dans leur loge et jusque dans leur alcôve, elles sont toujours à la recherche d'un effet. Celle-ci n'a inventé cette histoire du marmot que pour se ménager une belle sortie. En ce moment, votre Ariane se console avec quelques taisées de théâtre. Ne soyez pas enfant et traitez la vie comme il faut, c'est-à-dire violemment et en maître-homme. » Il le laissa là-dessus, tout rêveur et enrageant à la pensée d'avoir été pris pour dupe. Quand René rentra chez lui, sa mère l'entreprit de nouveau, tant et si bien que moitié dépit, moitié lassitude, il finit par dire oui. Dès que Madame Desarmoises eut arraché le consentement de son fils, elle mena les choses vigoureusement. Elle était d'avis que les mariages, comme certains mets délicats, doivent être mangés chauds. La demande fut faite sur le champ et Mademoiselle Marthe, très flattée au fond du choix de ce beau garçon de poète, n'eut pas grand-peine à se décider. Son père, qu'elle commençait à embarrasser et qui n'avait pas de dot à lui donner, accepta avec empressement. Les publications eurent lieu en hâte et un jour, Joseph Toussaint reçut une lettre imprimée lui annonçant le mariage de Xavier René Desarmoises et de Mademoiselle Marthe de Boissimon avec une invitation à la bénédiction nuptiale qui devait être donnée par son éminence le cardinal X en l'église Saint-Roch. Le pauvre garçon n'en pouvait croire ses yeux. Il froissa la lettre avec indignation et un formidable juron s'échappa de ses lèvres pacifiques. Le jour même de la célébration du mariage à la mairie, la nouvelle de la déclaration de la guerre à la Prusse se répandit dans Paris. On sait avec quelle aveugle étourderie cette déplorable aventure fut menée et quel enthousiasme factice précéda l'entrée en campagne. La population parisienne, abusée et grisée, semblait avoir perdu la tête. On chantait le réallemand dans les théâtres. Au concert des Champs-Élysées, on jouait une marche intitulée « L'entrée à Berlin ». Quelques journaux publièrent avec grand fracas une ode signée René Desarmoises, pleine de menaces sanglantes et de belliqueux emportements. Il n'y eut pas jusqu'au paisible sénateur dont Toussaint préparait les discours qui ne fut pris d'une ardeur guerrière. Il méditait une brochure sur l'annexion des provinces rhénanes, et Joseph perdait son temps à essayer de lui dessiler les yeux. « Vous ne connaissez pas les Allemands ?» murmurait le pauvre garçon. « Moi, je les ai vus de près, et je sais combien ils nous détestent. Voilà 30 ans qu'ils nous jalousent et se préparent à nous combattre. » Le tonnerre allemand, comme disait Henri Heine, « bah lentement, mais quand il éclatera, ce sera terrible. »« Hélas !» ajoutait Joseph, en pensant à la ferme d'Albestroff. « Dans cette tempête, qui sait ce qu'il adviendra de mon pauvre nid ?» Au milieu de ce concert de bravades frivoles et de chants de conquête, la nouvelle de la défaite de Luxembourg résonna comme une funèbre cloche d'avertissement. C'était l'invasion. On n'y voulait pas croire. On s'était si bien bercé de l'idée d'une marche triomphale jusqu'à Berlin qu'on attendait à toute heure, en frémissant, l'annonce immanquable d'une glorieuse bataille. Toutes les têtes travaillaient, les esprits les plus sages étaient comme affolés. À chaque instant, la foule hallucinée croyait apercevoir à l'horizon des mirages de victoire. Dans l'après-midi du 6 août, le bruit se répandit qu'on la tenait enfin, cette grande victoire. Les fenêtres se pavoisèrent. Une foule immense emplissait le boulevard des Italiens, battant les trottoirs comme une mer houleuse. Tout Paris était dehors, toutes les figures étaient rayonnantes, toutes les mains applaudissaient. À la hauteur du passage des princes, debout sur une voiture découverte, deux artistes de l'opéra, tête nue, chantaient les strophes de la Marseillaise que répétaient des milliers de voix enthousiastes. Un soleil d'orage jetait par moments des clartés de fête sur les drapeaux tricolores flottant aux fenêtres et sur cette multitude enivrée. Un remous de la foule amena Joseph à deux pas de René les Armoises qui gesticulait avec exaltation. Toussaint aurait voulu l'éviter, mais le poète lui saisit le bras. « Eh bien, mon cher, lui cria-t-il, nous les avons rossés, ces loups allemands, 25 000 hommes, et le prince royal prisonnier, hein, quelle revanche !»« Est-ce bien sûr ?» murmura Joseph, tout palpitant. « Parbleu, je tiens la nouvelle de mon beau-père, qui sort du ministère de la Justice. » Une brusque poussée les sépara. Le poète agitait son chapeau en l'air, et les cheveux au vent, il chantait de sa voix vibrante. « Amour sacré de la patrie, conduis, soutiens nos bras vengeurs !» Il était superbe ainsi, et Joseph repensa involontairement au premier jour où il s'était serré la main dans la plaine de Baie. Il leva tristement les yeux vers le ciel parisien, coupé de grands nuages sombres, et malgré les trépignements de la foule, les acclamations et les chants de fête, il sentit des sanglots lui monter à la gorge. La désillusion ne se fit pas attendre. Le lendemain matin, on apprenait en même temps les deux sanglantes défaites de Froschwiller et de Spichorn. Chaque jour apportait son contingent de déception et de désespoir. C'était Gravelotte et Saint-Privat, la fuite de l'empereur vers Châlons, la triste et folle marche à travers l'Argonne, puis Beaumont, puis le désastre de Sedan. Joseph était navré. Il avait voulu se montrer comme les autres. Il s'était les premiers enrôlés dans la garde nationale. Lui qui n'avait de sa vie touché un fusil, il faisait chaque matin avec sa compagnie l'exercice dans le Luxembourg. Il revient encore une fois René le soir du 4 septembre. On avait su le matin la capitulation de Sedan, et entraîné par son bataillon, Joseph était allé protester devant le palais Bourbon. Après l'envahissement du corps législatif, il regagnait mélancoliquement son quartier quand à l'angle de la rue Bourgogne, il se heurta contre des Armoises qui marchaient d'un pas fiévreux. Le poète était pâle, et ses yeux noirs avaient un regard effaré. « C'est fini !» lui dit Toussaint, la République est proclamée. « Oui, belle besogne !» s'écria René, avec un geste furieux. « Avant 8 jours, les Prussiens seront à Paris. »« Paris se défendra !» répliqua Toussaint. « L'ennemi trouvera les portes fermées et des canons sur les remparts. »« Un siège ! Allons donc, c'est ridicule ! Quand les Parisiens seront restés une semaine sans poisson frais, ils ouvriront leurs portes. Vous ne connaissez pas ce peuple-là. Animal, aux 100 têtes frivoles. La France est un pays perdu. Adieu l'art, adieu l'esprit et les belles choses. La populace va se vautrer dans les rues. Mais je ne verrai pas ce piteux dénouement. Dans 3 jours, j'aurai secoué loin la poussière de mes pieds. Quant à moi, répondit Joseph, Paris m'est devenu cher depuis qu'il est malheureux. Je suis comme les mères qui n'aiment jamais si bien leurs enfants que quand ils sont malades. Vous restez ici, je reste. Bonne chance, s'écria les Armoises, vous aurez de l'agrément. Je ferai mon devoir, repartit simplement Toussaint en jetant sur René un regard plein de tristesse et de reproches. Le poète sentit son regard sévère tomber sur son visage et perdit un peu de son aplomb. « Il n'y a plus rien à faire, » murmura-t-il. « D'ailleurs, je voudrais rester, que je ne le pourrais pas. La chute de l'Empire ruine M. de Boissimon. Il en perd la tête. Ma mère et ma femme sont affolées. Elles ne pensent qu'à fuir, et je ne puis pas décemment les abandonner. Demain ou après, nous serons à Bruxelles. Au revoir, Joseph. Allez, tant meilleur. Adieu, » dit Toussaint, avec un accent de profonde tristesse. Dès le surlendemain, René, traînant avec lui sa femme, sa mère, son beau-père et une montagne de bagages, partait pour la Belgique. En route, le train se croisa avec un convoi qui roulait vers Paris. Il était plein de femmes et de jeunes gens, presque tous artistes surpris par la guerre au milieu de leur voyage de plaisir ou d'études. Ceux-là avaient aimé Paris dans ses jours d'éclat et de bonheur, et ils n'avaient pas voulu rester loin de lui aux heures de l'adversité. Ils revenaient s'y enfermer pour le défendre, pour l'aimer encore dans sa misère, et y manger le pain noir du siège.